bien le bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et durant ces deux heures-là, je vous propose PFM, la nouveauté, Cella Noise d'Italie, Machine's Dream de Toronto, Is Project d'Italie, petit retour en arrière en 70 avec Genesis, The Nice et Van der Graaf Generator. Et en fin de mission, nous aurons Solstafir d'Islande, Mini de Hongrie et Contra Maria d'Argentine. Alors, comme à l'habitude, nous débutons avec l'album de la semaine et nous avons le dernier PFM, Premiata Fornea Marconi, et l'album s'intitule Emotional Tattoos. C'est un album constitué de 11 pièces. Et les 11 pièces sont chantées sur le premier CD en italien et sur le deuxième CD en anglais. Ça totalise quand même 61 minutes, près de 62 minutes pour ces 11 pièces. Et on n'a pas, comme dans les albums, disons, des années 70, de longues pièces. Toutes les pièces varient entre 5 et 6 minutes. Et fait d'armes, il y a un seul musicien du groupe qui était à l'origine, et je parle du batteur Fran Di Ciocio. Il y a aussi Patrick Givas qui a joint PFM en 73 après avoir quitté le groupe RIA. Alors, ces deux personnes-là constituent le noyau fort de ce nouvel album-là, et ils sont accompagnés de 5 musiciens, dont Lucio Fabri et Alessandro Scaglione, qui eux aussi ont fait partie de l'une des différentes moutures de PFM dans le temps. Alors, je vous propose 5 pièces tirées de cet album-là. La première, c'est la Lesione. Ça va être suivi de Freedom Square. Ensuite, on aura Dalla Terra a la Luna, Big Bang et en conclusion, Il Regno. Donc, voici Premiata Fornea Marconi et la nouveauté de cet automne. Ti morde e vuole darti una lezione. Morte vuole darti una lezione. Time out, hey. Se non credi occasione, se ti morde vuole darti una lezione. Questa è la lezione. We'll be right back. dovremmo non scordare mai. Radici, sensi e l'utopia, la tua, la mia. Siamo rani in uno stagno, un salto sotto al cielo. Aspettiamo qualcosa che in fondo abbiamo già. Lo senti che prendi velocità, che cambia lo stato di gravità. Ora sei solo lassù, ali d'argento. Ora sei in cielo. mille e mille giorni ad aspettare un segno, cento e più domande per capire il regno, nell'immenso tutto gira ma non sai che la quiete vera non arriva mai. Giorni attesi, notti e lampi di poesia. Le stagioni se ne vanno via. Anima. Alors, c'était PFM, le groupe italien Premiata Forneria Marconi, et 5 extraits de leur plus récent album Emotional Tattoos. Ceux qui veulent la description exacte des pièces, eh bien, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Alors, après la pause, toujours d'Italie, nous aurons Cellar Noise de Toronto, Machine's Dream, et un retour en Italie avec His Project. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour rester dans la lignée italienne, je vous propose un nouveau groupe qu'on a déjà entendu à l'émission, c'est Cellar Noise. Ils ont produit un album qui est sorti en janvier de 2017, donc ça va faire presque un an. L'album s'intitule A Light et je vous propose la pièce Temple. Ensuite, nous aurons de Toronto, Machine's Dream, qui cette année ont sorti leur troisième album The Black Science. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Weimar. Et on va conclure avec un retour en Italie et la nouvelle formation His Project, qu'on a aussi entendu à l'émission. Et l'album qu'ils ont sorti, ça s'intitule Arkanos, The Arkanauts. Et la pièce qu'on va entendre, c'est... Juste une petite seconde. La pièce qu'on va entendre, c'est Magnatute. Alors, on débute ça avec Cellar Noise. Where opera shows were held, a black shadow that walks remembering, lost in thought, because here there are memories he'll never remove. Since he went away, nothing has changed. It's strange, but it remained the same. Much time has passed. A whirlwind of emotions into the old guardian's heart. But this night is the last, although it seemed immortal. Who decided soon you'll be cancelled? Thank you. space, so empty, fills me with infinite sadness. This place, once full of life, is now just full of dust, abandoned to its fate. It is time to say goodbye and reach the last act. Pull the curtain on us, old friend. A grand finale will amaze. Thank you. Welcome, ladies and gents, to the winds of prostitution. Welcome, baby, to your new constitution. Thank you. Stars swam round in circles. Stop the clock. Alors, c'était la formation italienne Is Project. C'est un duo de jeunes chanteurs qui ont à peine 25 ans. Et ils sont accompagnés par le Z-Ben, formation qui gravite autour de Fabio Zuffenti. Puis ils ont aussi bénéficié de la direction artistique de Fabio Zuffenti pour la production de cet album-là. Ceux qui sont intéressés à en savoir plus, eh bien, vous pouvez consulter une chronique que j'ai écrite sur cet album-là en consultant profil.com. Alors, après la pause, nous avons un retour aux années 70. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, comme je vous l'annonçais avant la pause, on fait un retour pour ce bloc-ci, un retour aux années 70, grâce à une compilation que la compagnie de disques Charisma a produite en 2011. Ils ont regroupé 44 chansons originales des années, en fait, de 69 à 78. Et puis, sur ces trois CD-là qui regroupent 44 chansons, eh bien, on a des artistes comme The Nice, Rare Bird, Genesis, Van der Graaf Generator, Peter Hamill, Bo Hansen. En tout cas, autant qu'on en désire de cette année-là. Et puis, fait à noter, bien, ça a été remasterisé. Alors moi, je vous propose trois pièces. La première, c'est Genesis, la pièce Looking for Someone. Ça, c'est apparu, c'était la première pièce de l'album Trespass, là, qui est paru en 1970. Et on a aussi The Nice avec Keith Emerson. Ça, c'est avant The Nice, c'est le groupe qui a précédé Emerson, Lake & Palmer. Et on aura la pièce America, ça a été enregistré live. Ça provient de l'album Elegy. Et on aura Van der Graaf Generator avec la pièce Pioneer Oversea. Et ça, c'est extrait de H to He, Who Am the Only One. Alors, on débute ça avec Genesis. Looking for someone I guess I'm doing that. Trying to find a memory in a dark room. Dirty man, you're looking like a Buddha. I know you well. Yeah! Keep on a straight line. I don't believe I can. Trying to find a needle in a haystack. Chilly wind, you're piercing like a dagger in her. Nobody needs to discover me. I'm back again. You see the sunlight through the trees to keep you warm. In peaceful shades of green. Yet in the darkness of my mind, Damascus wasn't far behind. Lost in a subway, I guess I'm losing time. There's a man looking at a magazine. You're such a fool, your mumbo jumbo never tells me anything. Yeah! Nobody needs to discover me. I'm back again. Ashes from the fire that kept you warm. Its comfort disappears. But still the only friend I know will never tell me. We'll be right back. now I found myself a name on the way. Thank you. face, reddened eyes, stared up into the void, a thousand stars to be exploited. Somebody help me, I'm falling. Somebody help me, I'm falling down. Into sky, into earth. Into sky, into sound. No chance of seeing home again. The universe. Centuries ago, or we're going to 1541. One last brief whisper in our loved ones' ears to reassure them and to pierce our fear. Standing at controls that still unknown, we told the world we were about to go. Somebody help me, I'm missing. is no fear here. How could such a thing exist in this place we're living and knowing? Never been heard of. I've never been heard of. Thank you. stayed where I was, or didn't exist in the first place. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un retour en 1970 avec le groupe Van der Graaf Generator et la pièce Pioneer Oversea. Ça a été précédé de The Nice, aussi paru en 1970, et la pièce America. Et en début de bloc, nous avions Genesis et la pièce Looking for Someone. Les trois pièces sont extraites d'une compilation de Charisma Records qui s'intitule Anthologie 1968. À 79. Je rappelle que c'est une compilation de trois CD qui regroupe, je pense, près de 20 artistes qui ont fait les beaux jours des années 70 pour Charisma Records. Après la pause, on a un petit détour par l'Islande. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission et on va, comme je mentionnais avant la pause, on va passer par l'Islande et le groupe Solstafir. C'est un groupe qui existe depuis 15 ans. Ils ont sorti leur plus récent album il y a quelques semaines. L'album s'intitule Bird Dreamin' et la pièce qu'on va entendre, c'est... En fait, je vais éviter de le prononcer parce que tout ce qui est islandais, c'est assez aride. Ceux qui pensent, entre autres, à la chanteuse Björk, qui est inclassable. D'ailleurs, tous les artistes d'Islande que moi je connais sont inclassables. Alors, Solstafir, comme je dis, c'est en fait inclassable. Ils ont dans l'expérimental post-metal, et, entre autres, là. Et on va entendre une pièce, comme je disais, qui est imprononçable. Et ça va être suivi de Mini, un groupe hongrois, c'est-à-dire, qui ont fait le plus de beau temps dans ces pays-là, entre 1970, en fait 78 et 2009, avec 8 albums studio. Et ils ont aussi une compilation qui s'intitule Bartok on Rock. Alors, c'est de la musique classique. Les musiciens sont de formation classique. Et puis, Bartok, ben c'est pas quelque chose de... habituellement de très mélodique, mais je pense qu'on y trouvera, en tout cas en écoutant cette pièce-là qui fait appel à des habiletés au piano et au violon. Alors on va découvrir quelque chose quand même d'assez mélodique. Et on va conclure avec Contra Maria, qui est un nouveau groupe d'Argentine et dans quelque chose encore un petit peu expérimental, la pièce Fractale. Et l'album s'intitule Insistente. Alors, on débute ça avec Solstafir. Thank you. cosa sema altre blessure fer non fatlo vertel ti rofiarda rhythm rhythm rhythm evir heiðin af höfðum deyr fjö og deyja frænd Sefur fólk flóði tekur við Fennir í flest að vetrar sér Ei er nauðin fögur Né frelsið heil Sáttin sár neitar vel Ce que vous venez d'entendre, c'est une nouveauté qui nous vient de l'Argentine. C'est le groupe Contramarea et la pièce Fractale. Ça, c'est extrait de Insistente, leur premier album. Et auparavant, nous avions le groupe hongrois Mini et la pièce Allegro Barbaro. Ça, c'est extrait de Bartok on Rock. Et c'est paru, je crois, en 2009. Et en début de bloc, nous avions une nouveauté de l'Islande et le groupe Solstafir. Alors, c'est sur cette note que l'émission se termine et je vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.